50 languages. 21. 21. محادثة قصيرة رقم 2. Conversation 2. Conversation 2. من أين أنت؟ D'où venez-vous? D'où venez-vous? أنا من بازل. De Bâle. De Bâle. بازل تقع في سويسرا. Bâle se trouve en Suisse. Bâle se trouve en Suisse. اسمح لي أن أقدم لك السيد مولر. Puis-je vous présenter Monsieur Müller? Puis-je vous présenter Monsieur Müller? هو أجنبي. Il est étranger. Il est étranger. إنه يتكلم عدة لغات. Il parle plusieurs langues. Il parle plusieurs langues. هل حضرتك هنا لأول مرة؟ Est-ce la première fois que vous êtes ici? Est-ce la première fois que vous êtes ici? لا, كنت هنا في العام الماضي. Non, j'y étais déjà l'an dernier. Non, j'y étais déjà l'an dernier. ولكن لمدة أسبوع فقط. Mais seulement pour une semaine. Mais seulement pour une semaine. أتستمتع بوجودك هنا؟ Comment vous plaisez-vous chez nous? Comment vous plaisez-vous chez nous? جدا. فالناس لطفاء. Beaucoup. Les gens sont très sympathiques. Beaucoup. Les gens sont très sympathiques. والمناظر الطبيعية تعجبني أيضا. Et le paysage me plaît aussi. Et le paysage me plaît aussi. ما مهنتك؟ Quelle est votre profession? Quelle est votre profession? أنا مترجم. Je suis traducteur, traductrice. Je suis traducteur, traductrice. أني أترجم كتباً. Je traduis des livres. Je traduis des livres. هل حضرتك بمفردك هنا؟ Êtes-vous seul ici? Êtes-vous seul ici? لا, زوجتي. زوجي هنا أيضا. Non, ma femme, mon mari, est aussi ici. Non, ma femme, mon mari est aussi ici. وهناك طفلاي الاثنان. Et voici mes deux enfants. Et voici mes deux enfants. يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت. www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.